De la Bébélière à Mère Agnès de Jésus le 21 juillet 1896. Quand, mardi soir, révérende mère supérieure, il y a bien longtemps que je n'avais eu le bonheur de causer avec vous, mais, si je le fais aujourd'hui, c'est pour mendier de nouveau. Je suis soldat, ma mère, et ce temps n'a rien valu pour le séminariste. J'ai fait bien des chutes, des sottises inouïes, au milieu de ce monde qui me reprenait. Je viens de faire la plus belle de toutes, mais elle est si forte qu'elle sera la dernière car elle me corrige. Je suis plongé dans une situation déplorable, et il faut, à tout prix, que ma chère sœur Thérèse de l'Enfant Jésus me tire de là. Il faut qu'elle fasse violence au ciel qui se laissera toucher par ses prières et sa pénitence. Ma mère, il le faut, ou je suis perdu, d'autant que ce sera pour un plus grand bien. Dites-lui qu'il le faut, pardon de mon insistance, vous-même, ma bonne mère, priez pour moi, faites prier votre communauté pour moi, mes besoins sont grands et pressants, pardonnez-moi, plaignez-moi et aidez-moi, je vous en conjure, au nom de la Vierge du Carmel et de Saint Joseph. J'ose me dire encore, ma révérende mère, votre fils très soumis, vous vous souvenez de moi qui vous écrivis en novembre dernier, vous priant de me donner une sœur parmi vos religieuses, vous fûtes si bonne, soyez le plus qu'alors s'il se peut, si vous saviez combien j'ai besoin du secours divin. Tout votre, ma mère, en Jésus-Christ, Maurice Bélière, séminariste, soldat 5e de ligne 4e compagnie, Caen. Marc M. Dan, archive.org. D'après Archive Carmel de Lisieux.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.